Christophe Cupelin est cinéaste indépendant et producteur. Son dernier documentaire, Capitaine Thomas Sankara, offre un portrait singulier de l'homme politique et rend compte de la révolution conduite par le leader du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, avant son assassinat le 15 octobre 1987. Christophe Cupelin, merci et bienvenue à Amanda. Merci. De quelle manière exactement le propos de Sankara vous interpelle? Les propos de Sankara m'interpellent pour des tas de raisons. Principalement parce que il s'agit de mon vécu, tout simplement. J'étais au Burkina en 1985. Je suis arrivé au Burkina par hasard en 1985 et je ne savais pas qu'il y avait une révolution, que le président du pays s'appelait Thomas Sankara. Et voilà, suite à ce séjour au Burkina, j'ai été interpellé par donc l'action collective des masses populaires durant la Révolution, et j'étais très marqué par les discours de Sankara. Si vous voulez, a priori, j'avais même, en arrivant à l'aéroport de Ouagadougou la première fois, le premier panneau que j'ai vu à la sortie de l'aéroport, c'est « Bienvenue au Burkina Faso, tombeau de l'impérialisme ». Et donc voilà, ça annonçait la couleur tout de suite. Je ne savais pas où j'étais à l'époque. En 85, il n'y a pas Internet, etc. Dans les manuels d'histoire, le pays s'appelait toujours la Haute-Volta. Le pays venait de changer de nom une année auparavant, donc personne ne savait que le pays s'appelait même le Burkina Faso, la limite. Enfin bref. Donc beaucoup d'inconnus et pour beaucoup de choses reconnues, disons. Et quelles sont les questions fondamentales que pose votre travail à travers un film sur Sankara? S'il y a des questions fondamentales, c'est la question du pouvoir, c'est-à-dire de que fait-on une fois qu'on a le pouvoir? C'est donc la question de la responsabilité du pouvoir. En ce sens-là, la Révolution et Sankara ont donné une sorte d'exemple, à mon avis, hein, c'est que... En tout cas, Sankara lui-même est devenu président non pas pour s'enrichir ou pour se construire des belles villas ou créer du népotisme ou du favoritisme pour une classe ou ses amis ou sa famille. Non, non, c'était tout le contraire. Donc c'était, très instructif de voir qu'un président peut rester honnête comme Sankara. Donc au sens il n'y a pas d'accaparement de richesses, etc., de richesses nationales. Votre documentaire est constitué exclusivement de sources primaires, c'est-à-dire d'archives. Ce choix vous a posé certaines difficultés? Oui, quand vous travaillez uniquement avec des archives, les archives, ce ne sont que des contraintes. Vous ne pouvez pas... réinventer le discours. Enfin, travailler avec des archives, c'est extrêmement contraignant. Au sens général, dans le cas de ces archives sur la Révolution, sur Sankara, c'est doublement contraignant parce qu'il y a très très peu d'archives. J'ai récolté, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment calculé, mais en quantité, il doit y avoir 6-7 heures de vidéo, ce qui est extrêmement peu. Par exemple, le film sur Ceaușescu, le réalisateur a bénéficié de plus de 600 heures de rush, donc c'est... Donc les archives, c'est contraignant de travailler avec des archives. J'avais deux raisons. D'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc on peut pas dire ce qu'on veut, en fait. Si vous voulez, moi j'ai une connaissance du personnage Sankara qui dépasse les archives vidéo et audio. Et donc c'était contraignant dans ce sens-là. Je n'ai pas pu parler de tout ce que je voulais de Sankara à travers les archives, puisque... Pourquoi vous n'avez pas intégré davantage de témoignages, par exemple? Alors, j'ai réalisé quelques témoignages, etc. Mais si vous voulez, au départ, je souhaitais plutôt faire un documentaire classique avec des témoignages, aller au pays, classique et un documentaire créatif. J'amènerais ma guitare, puisque Sankara est un guitariste, etc. Donc j'avais plein d'idées créatives comme ça et de parler du Burkina actuel. Mais pour cela, il faut un budget, il faut des gens qui croient en votre projet, un budget, etc. Personne n'a cru en mon projet. Tout le monde m'a dit que Sankara, c'était dépassé, que c'était dans les années 80, qu'aujourd'hui on s'en fout. En plus, c'est un révolutionnaire, il n'y a pas pire qu'un révolutionnaire. Donc tout cela, c'était en 2007, c'était avant les révolutions arabes. Grâce aux révolutions arabes, le mot révolution a repris du sens, je crois. Et donc aujourd'hui, c'est tout le contraste qui passe. Enfin, peu importe ces impératifs de production, je n'ai pas eu les moyens de faire donc un documentaire classique. Donc, je me suis rabattu sur des archives parce que j'en possédais moi-même quelques-unes. Et je suis allé chercher d'autres archives par la suite, des archives institutionnelles qui existaient déjà. Et aussi, pourquoi les archives? Parce qu'en 2007, en fait, c'est la première fois que les archives sur Sankara existent sur YouTube. Avant, ça n'existait pas. Et donc, comme je ne pouvais pas faire un film, disons, un documentaire classique, encore moins une fiction, bien entendu, parce que sinon, j'ai aussi des désirs de fiction. Donc, faire un film sur Sankara était possible à partir du moment où on prenait en compte toutes ces archives qui provenaient de sources différentes. De sources diverses. Alors la contrainte, comme je vous disais, c'est que l'archive, elle parle que de ce qu'elle parle et on ne peut pas la faire parler d'autre chose. Pour moi, la plus grande difficulté, c'était de mettre en contexte ces bouts d'archives, parce que je ne sais pas si Sankara parle à Paris d'un problème particulier. Enfin, si on ne comprend pas le contexte, finalement, c'est très très difficile de comprendre le discours. Donc tout le travail du film a été de Il y a eu un gros travail de montage pour essayer de mettre en contexte les thématiques abordées par Sankara. Dans le documentaire, le choix de la musique contraste à prime abord avec le personnage Sankara. Pourquoi ce choix? Parce que j'ai... De nouveau, il y a toujours plusieurs raisons, mais commençons par le commencement. J'ai choisi cette musique parce que c'est la musique qui a nourri ma jeunesse, mes espoirs de jeunesse. En Europe, comme les discours de Sankara ont créé de l'espoir pour moi au Burkina. Donc j'ai mélangé, si vous voulez, j'ai additionné, j'ai ajouté de la musique de ZX principalement, un groupe punk des Pays-Bas. J'ai ajouté cette musique au discours de Sankara parce que je trouve que ça renforce le discours de Sankara. Et en tout cas, ça renforce mon utopie de jeunesse, de jeune Suisse qui veut s'exiler au Burkina Faso et faire la révolution. Et donc aujourd'hui, rétrospectivement, c'est une sorte d'hommage comme ça à ce rêve de jeunesse. Mais au sens esthétique, je pense que c'est la même chose que ce soit avec une guitare électrique saturée ou des discours posés à l'ONU. C'est la même énergie qui est dégagée. Je pense que c'est intéressant de les mettre ensemble. Et puis, je ne voulais pas illustrer au premier degré par de la kora africaine les discours de Sankara. Enfin, il y a aussi des musiques africaines dans le film qui sont issues des archives elles-mêmes que j'ai utilisées. Mais voilà, ça donne un contrepoint aussi, ça donne une énergie. Et si vous voyez Sankara avec sa femme, il y a une image de Sankara et de sa femme qui joue de la guitare acoustique. Et moi, j'ai mis deux guitares électriques très fortes. Donc, c'est pour peut-être faire réfléchir un petit peu le spectateur sur. Parce qu'on ne peut pas dévoiler tout. Et donc, c'est une manière de dévoiler quelque chose sans le dire, quoi. On ne dévoile pas les choses comme ça au premier degré. Ce qu'on voit n'est pas forcément la vérité. Donc, il y a toujours un jeu entre ce qu'on voit de prime abord et ce qu'on voit derrière, etc. Donc, je pense que cette musique représente l'énergie de Sankara. Votre documentaire démontre singulièrement que le gouvernement de Sankara avait, dès 1983, commencé à organiser de manière significative l'indépendance politique du pays par plusieurs moyens, le désendettement national, l'autosuffisance alimentaire, l'éducation des jeunes, l'émancipation des femmes et des hommes, pour ne mentionner que ces aspects. Et jusqu'à présent, on comprend que la lumière n'a jamais été faite sur les circonstances de sa mort. Qu'en pensez-vous par rapport à l'impunité? Enfin, comme tout citoyen du monde, on doit lutter contre l'impunité, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, d'où qu'elle provienne. Et voilà, donc je m'inscris dans toutes les campagnes pour la justice, particulièrement celle-ci, cette campagne de justice pour la vérité sur les circonstances de la mort de Sankara. Oui, je crois que ce serait utile et nécessaire, d'essayer de faire la lumière sur les circonstances de sa mort. Est-ce qu'on pourra le faire vraiment une fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tenter de le faire, et pour l'instant, c'est bloqué. Il n'y a pas de justice possible, en tout cas, il n'y a pas d'action en justice possible, parce que tout est bloqué pour x, y raisons. Et donc c'est très dommage. Ce qui crée un schisme comme ça entre les pros. Aujourd'hui, si vous voulez parler de Sankara, aujourd'hui, ça veut dire être anti-Blaise Compaoré, et alors que c'est normalement, on ne doit pas poser la question comme ça. On ne peut pas retirer le pouvoir à Blaise Compaoré, et donc on ne peut pas faire revivre non plus Thomas Sankara. Donc dépolitisons le débat et tentons de faire la justice. Et bon, il faut aussi savoir que la justice, le temps de la justice n'est pas le temps de la vie d'un homme. Et donc, moi, je crois que cette justice, elle aura lieu un jour. En tout cas, un jour, on tentera de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Enfin, c'est-à-dire qui est le régicide, hein, finalement, parce qu'on sait ce qui s'est passé, mais on ne connaît pas le régicide du 15 octobre 87. On ne sait pas qui a dit qu'il fallait assassiner Thomas Sankara. Ou qui a ordonné de le faire. Donc, si on ne le sait pas aujourd'hui, on le saura peut-être dans un siècle. Et voilà. Donc moi, j'ai quand même confiance, malgré tout, parce que je pense que les générations, ma génération, je suis des années 60, ma génération commence à prendre le pouvoir aujourd'hui au Burkina. Et cette génération-là souhaite également lutter contre l'impunité, je crois, et n'a pas ne profite pas de ce crime, n'a pas d'intérêt à profiter d'un crime perpétré il y a plus de 25 ans. Donc je pense que cette génération est capable de mettre en activité les instruments de la justice. Et que dites-vous aux cinéastes africains qui ont le souci de porter à l'écran des documentaires à caractère politique? La politique fait partie de la vie, je veux dire... c'est des sujets importants, mais enfin, il n'y a pas que ça non plus. On ne peut pas non plus faire un film sans conscience politique, effectivement, mais enfin, bon, c'est un vieux débat de militant. Personnellement, j'ai toujours essayé de mélanger l'art et le politique depuis que j'ai fait l'école des beaux-arts à Genève, en Suisse. Et je suis allé même provoquer plein d'artistes connus à l'époque pour leur dire que ça manquait de conscience politique. Il manquait de conscience politique dans leur travail. Enfin, donc, c'est un vieux débat. Enfin, chacun est libre, hein, de faire comme il le sent quand on est, entre guillemets, artiste. Mais effectivement, l'art pour l'art, sans conscience politique, souvent, c'est vain. Mais il ne s'agit pas de faire des choses uniquement politiques. Je pense qu'on peut... qu'on peut faire quelque chose, on peut faire un film, je sais pas, sur une problématique sociale, inscrite dans une réalité politique, et que ce qui compte, c'est la profondeur du discours, du point de vue et de l'histoire qu'on veut raconter. Est-ce que votre film est présenté au Burkina Faso ou en Afrique? Donc mon film, j'ai tenté de présenter mon film au Burkina Faso. Pour cela, j'ai envoyé un DVD. J'ai contacté le directeur du FESPACO, donc le plus grand festival panafricain sur le continent africain. Donc un festival qui a lieu à Ouagadougou. Et donc non, le film n'a pas été sélectionné au FESPACO parce qu'il est trop, je pense qu'il est trop polémique. Et ça ne m'étonne pas. Par contre, j'étais étonné de voir que le festival Ciné Droit Libre, qui est un festival basé sur le modèle des droits humains à Ouagadougou, j'ai envoyé un DVD, mais ce festival ne m'a jamais répondu. Je pensais que c'était l'endroit naturel où le film pouvait passer, mais je n'ai pas eu de réponse de la part des responsables de ce centre. J'ai été sollicité pour montrer le film lors de la commémoration du 25e anniversaire de la mort de Thomas Sankara, donc en octobre 2012. Je me suis rendu donc au Burkina pour l'occasion avec le DVD sous le bras, et j'ai jamais vu personne. Les gens qui m'avaient contacté par email, par courriel pour demander le film, je ne les ai pas vus à Ouaga. Alors là, il s'agirait d'une auto-censure, donc, parce que le gouvernement n'a absolument pas empêché de commémorer la commémoration de Thomas Sankara. Donc il s'agirait d'une auto-censure dans ce cadre-là, je veux dire. Et d'ailleurs, par courriel, j'ai demandé s'il y avait un danger, si c'était risqué, est-ce que les conditions d'organisation, etc. On m'a ri au nez pratiquement. On m'a dit, il n'y a absolument aucun danger, il n'y a aucun problème de sécurité. La question n'est pas là. La question, c'est qu'on veut le DVD, on veut le montrer. Voilà. Donc, je suis venu avec. C'est les gens eux-mêmes, c'est donc les organisateurs de la commémoration qui ont décidé qu'il fallait pas passer le film. Il n'y a pas de pression du gouvernement. Non, je critique donc les organisateurs de la commémoration. Je les critique publiquement. Il n'y a aucun souci. Je veux dire, c'est une grande frustration pour moi. J'ai fait un voyage de 4000 km avec mon DVD. Des gens qui souhaitaient montrer mon film, je n'ai même pas vu ces gens. Donc je n'ai pas eu d'explication, on m'a jamais rien dit, si vous voulez. Par ailleurs, j'ai appris pour l'anecdote que le chanteur Tikkun Jah Fakoly, que vous devez connaître, avait proposé de donner un concert gratuit à Ouaga le 15 octobre donc 2012 pour les 25 ans. Il prenait en charge son déplacement, ses musiciens, son matériel, sa sono, il prend tout en charge et on ne lui a pas répondu non plus. Le débat est ouvert. J'ai pas d'avis, définitif. Mais enfin, c'est effrayant de voir que personne. Si on ne pouvait pas passer le film, il faudrait le dire. C'est trop dangereux, c'est risqué. Mais personne ne le dit officiellement. Tout le monde pense qu'on doit passer le film, mais personne ne fait l'effort de passer le film officiellement, publiquement. J'ai passé mon film à Ouaga, si vous voulez, en catimini. Au centre de presse Norbert Zongo, mais pour 30 personnes. Je veux dire, j'ai appris 2 heures avant la séance que c'était confirmé. Comment vous voulez que... Donc c'était en cachette, si vous voulez. Et pourquoi ça s'est passé? C'est parce que je connais beaucoup de gens au Burkina, et puis quelqu'un m'a fait ce cadeau-là, si j'ose dire, a fait pression pour que le responsable du centre Norbert Zongo ouvre ses portes pour passer le film de Christophe Kuplin. Le directeur du centre Norbert Zongo, c'est donc le directeur du festival Ciné Droit Libre qui ne m'a pas répondu quand je lui ai envoyé mon DVD. Et donc pour moi, c'était une grande déception. Et maintenant, ça concerne les Burkinabés, à savoir si les Burkinabés ont envie de voir le film, enfin envie de le voir, c'est une chose, parce que ça passera à TV5 ou quelque part, donc ils le verront, mais... C'est leur problème. S'ils veulent le passer au Burkina, ils peuvent me contacter et puis on discute. Mais enfin, c'est à eux de faire l'effort. J'ai essayé. J'ai encore une quatrième porte d'entrée. C'est la Fédération des Ciné-Clubs Burkinabés. J'ai rencontré le responsable à Tunis par hasard. Ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Mais de nouveau, ça fait un mois et demi. Il n'y a pas eu un courriel ou rien du tout. Ils n'ont pas relancé. Donc je ne comprends pas. Donc, ce qui concerne l'Afrique, la seule fois que le film a été montré en Afrique, de manière officielle, c'est à Tunis, le 26 mars dernier, dans le cadre du Forum Social Mondial. Et voilà, c'était donc une première africaine. Maintenant, quelle est la trajectoire prochaine de votre film? Comment dire, il y a de l'intérêt pour le film, puisque j'ai trouvé un producteur sur ma route et qui m'aide à monter un budget pour... ce budget va nous servir à acquérir des droits d'archives, puisque ces archives, la plupart, les archives institutionnelles sont soumises aux droits d'auteur. Donc, quand je suis dans un festival, c'est du non commercial, du culturel, j'ai dû payer des droits pour cela. Mais par contre, j'ai une proposition pour sortir le film en salle en Suisse et en France, et à la télévision aussi, dans plusieurs télévisions. Donc, pour cela, il nous faut acquérir les droits commerciaux, et pour cela, donc, réunir un budget. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je n'ai pas fini, mais c'est en bonne voie. Donc de finaliser techniquement le film, puisque aujourd'hui on fait plus du 35 mm, mais on fait des DCP, etc. Et donc je n'ai pas les moyens moi-même de faire un DCP. Donc tout ça est en train de se faire aujourd'hui. Et c'est grâce à la reconnaissance internationale, à Vue d'Afrique et à tous ces festivals qui m'ont invité, qui invitent le film et qui crédibilisent le projet. On souhaite que votre film soit vu et diffusé largement. Je rappelle que le documentaire de Christophe Kuplin, Capitaine Thomas Sankara, est sélectionné au 29e Festival international de cinéma Vue d'Afrique, qui a lieu actuellement jusqu'au 5 mai. Merci pour votre travail incontournable sur le destin de l'un des plus importants leaders africains du 20e siècle, Thomas Sankara. Merci à vous.